Un petit bonhomme, aux joues plus comme une pomme, qui joue de l'accordéon le soir chez un bougnat de la rue de Charenton. Hop, faut le voir avec sa casquette, mise à la coffre d'assiette, et son petit bout de nez gonfle le fait sans arrêt clignoter des carreaux. Moi d'habitude la musique, ah, rigolo, ça me donne envie de roupiller, ça me rend le racine. Ah, et je me reprends pas du tout pour gambiller. Ah oui, mais quand c'était physique, embrasse mystique, elle dit que il tirait son accordéon, sa piste le piston. On vous comme dans les oreilles, les avas sont tous pareils. Ben, ceux qui disent ça, ceux qui connaissent pas physique et sa java. Quand Tiki a fait une touche, la moune n'attrape pas les mouches. Et la carrée de l'hôtel devient un skip, mon assure ça du miel. Et puis après le dégainsance, pour un mot, c'est pas en place. Cette fille de rigoler, c'est dit que c'est déguisé en machine vautrée. Mon femme extraordinaire, oh, corrige une dame parce qu'il a le nerf à casser. Ça sent de place la poussière. Oh, et 5 minutes après, tout est lancé. Oh, oh oui, mais quand j'étais physique, embrasse comme ici qu'elle digue. Qui fout des nions au prénom de nos quelle distribution. On vous campe dans les oreilles, qu'il y a tous pareils. Et faire ce qui dit ça, ceux qui connaissent pas, c'est dit que ça java. Vous pensez bien que ces disques ne sortent pas d'une caisse de fiches. Comme on demande partout qu'ils fassent n'importe quoi, c'est jamais pour des clous. Ils pourraient tout comme les potes, paumer ça à la pelote. Ou bien sur un tocard qui fait sur la pelouse, le grand se fera pas d'armes, non. Non, une armée à la plante. On va voir ça du diatique comme un gigolo. Il a un compte à la banque et une des petites restes au bord de l'eau. Aussi quand on voit physique, embrasse le mythe qu'elle dit que se sent fatigué. Même les étrangers disent qu'il sait nager. On vous campe dans les oreilles, la vie n'est pas une merveille. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils connaissent pas physique et sa java.